Chapitre 9e, pour sauver Paulette. Certes, la belle bourbonnaise était bonne comédienne, mais elle ne joua pas la comédie en entendant les paroles du docteur. « Votre petite fille, madame, a la fièvre typhoïde. » Elle sursauta, fit un pas en arrière, affolée, et faillit tomber à la renverse de saisissement. « La fièvre typhoïde ? » s'écria-t-elle. « Hélas, madame, tous les symptômes en sont très nettement accusés. Aucune erreur, malheureusement, n'est possible. Ah, mon Dieu ! » s'écria la belle bourbonnaise. « Quel malheur, quel malheur ! Attendez, madame, avant de vous désespérer, qu'il y ait vraiment une raison pour cela. Mais, docteur, ce que vous venez de m'apprendre, hélas, je l'ai dit à bien des mères. Au lieu de se désoler, de se désespérer, de vouloir se jeter par la fenêtre, elles ont accueilli la nouvelle avec tristesse, avec grande douleur, certes, mais avec courage. Et aussitôt, avec résolution, elles m'ont demandé ce qu'il fallait faire. Fût-ce impossible pour sauver leur enfant ? Sans se rebuter, sans se lasser, sans compter d'ailleurs fatigue, ces mamans ont accompli leur devoir sacré, leur mission sainte de mère. Et je dois dire, n'attribuant pas cela à ma modeste science, mais à leur dévouement, que plus souvent, les enfants ont été sauvés, car dans cette maladie, tout le savoir du médecin n'est rien sans le secours de la mère. Je crois, madame, pouvoir compter sur le concours de la grand-mère, n'est-ce pas ? Oh, docteur, corps et âme ! Alors nous pouvons espérer. Voici, madame, ce qu'il faut faire. Il donna méticuleusement les indications nécessaires. Il fit, point par point, la leçon à la belle bourbonnaise. En passant devant mon pharmacien, qui étant le plus proche sera probablement le vôtre, à moins que vous n'en ayez un autre attitré. Non, docteur, le vôtre. Je vous ferai, pour que vous ne vous dérangiez pas, apporter les remèdes nécessaires. L'aide qui vous les montra vous donnera encore quelques conseils, vous désignera le mode d'emploi. Puis je reviendrai ce soir prendre des nouvelles, voir où nous en sommes. Au revoir, madame. Bon courage. Vous avez une merveilleuse petite fille. Il faut absolument la sauver. Bien qu'elle soit jolie comme un ange, il n'en manque pas au ciel. Gardons celui-là sur la terre. C'est par les enfants, madame, par ces anges, que nous sommes rattachés à Dieu. À ce soir. Quand le docteur fut parti, la belle bourbonnaise se laissa choir, anéantie dans un fauteuil qui en gémit. Ah, fit-elle, nous voilà beaux. Me voilà bien. Qu'est-ce que je m'en vais devenir ? Qu'est-ce que je vais faire avec cette petite qui a la fièvre typhoïde ? Ah, bouche en cœur, l'illustre Perpignan avait bien raison. Je n'aurais pas dû écouter mon cœur. C'était déjà très joli de l'avoir arraché au feu. Ça suffisait pour ma part. J'aurais dû la remettre aux mains du sergent et me tirer des pattes. Je ne me trouverai pas en ce moment dans ce guignon, elle pensa. La fièvre typhoïde, ça se gagne, ça s'attrape. Si je l'avais, moi, si l'enfant me la donnait. Me voyez-vous malade aussi, ce sera le coup de la fin. Mais elle se rappela qu'en cas d'épidémie, on recommandait les potions énergiques. Ce qui remonte, ce qui donne de l'énergie, du calorique. Heureusement, à ce moment, sa femme de ménage arriva. « Vite, vite » dit-elle dès qu'elle parut. « Vite, allez me chercher 2 litres de rhum, 2 litres de cognac, ce qu'il y a de meilleur. » C'est ce que la belle bourbonnaise appelait le calorique nécessaire. L'aide-pharmacien arriva sur les entrefaites. Il apportait les remèdes commandés par le docteur et il donna à la belle bourbonnaise les instructions nécessaires sur leur emploi. « En somme, madame, dit-il, il faut beaucoup de soins et beaucoup de patience. » Le traitement commença aussitôt. La femme de ménage, qui était mère de famille, aida la belle bourbonnaise dans ses soins et lui montra comment il fallait s'y prendre. Car pour soigner un enfant, il faut savoir. Une pratique, une longue habitude sont nécessaires. La belle bourbonnaise, une fois seule encore, quand la femme de ménage se retira, se mit à réfléchir tout en prenant du calorique. Si Paulette vient à mourir, comment faire ? Il faudra des papiers, son extrait de naissance, une déclaration à la mairie, quelque chose enfin pour établir son identité. Alors tout se découvrira, on saura ce que j'ai fait. On me demandera d'où vient cet enfant, on cherchera, on fera des rapprochements, et la vérité éclatant, on m'enverra rejoindre mon illustre époux. C'était la terreur de la belle bourbonnaise, elle se disait après mûre réflexion, passant d'un calorique à l'autre. Non, je me suis laissé emballer. J'ai fait du sentiment quand il ne fallait pas. Maintenant, ça me retombe sur la tête. Cependant, je pense encore m'en tirer. Voici comment. Si Paulette vient à mourir, tout bonnement, je prendrai mes clics et mes claques et je filerai. Je me sauverai. Je me réfugierai à l'étranger. et je laisserai seulement ici un papier sur le cadavre de l'enfant qui dira « Cette petite est Paulette, fille de Madeleine Marnier du comte Armand de Saint-Rion. » Je laisserai là son extrait de naissance et tous les papiers qui la concernent, qui regardent sa mère et son père. Et je donnerai l'adresse de la tilleuse. Moi, je serai aux frontières, à l'abri de toute poursuite. Mais ce plan n'était guère réalisable. La belle bourbonnaise se sentait en quelque sorte envahie, surveillée, gardée par les commères, par la concierge, qui venait à tout bout de champ demander des nouvelles, par la femme de ménage qui ne quittait plus la maison. Déjà même, quelques bonnes âmes de locataires, par sympathie pour l'enfant, par curiosité envers la grand-mère aux allures si singulières, venaient offrir leur concours. La belle bourbonnaise, tout d'abord enchantée de la présence de ses commères chez elle, s'aperçut bientôt qu'elle était en quelque sorte leur prisonnière. Mais elle fit contre fortune bon cœur et se montra très reconnaissante du concours qu'on lui apportait. Chez elle, les commères trouvaient toujours, soit une tasse de café ou de thé, soit un petit verre de quelque chose, de liqueur, ou simplement de rhum ou de cognac. « Un peu de calorique, de mon temps », disait la belle bourbonnaise. En somme, venir aider la voisine à soigner la petite devenait une partie de plaisir. Pendant ce temps-là, la maladie de l'enfant suivait son cours, effectuait son évolution normale, continuait sa marche. Paulette, si fraîche, si rieuse, si jolie, n'était plus que l'ombre d'elle-même. On eut dit d'un petit squelette, sur lequel on aurait mal tiré une peau ratatinée, chagrinée. Il n'y avait dans la figure mince, anguleuse, couleur de cire, semblait-il, que deux yeux, des yeux immenses comme des trous bleus. Le regard de ses yeux était effrayant, fixe et terne. Les paupières restaient longtemps sans battre, sans palpiter, sans vivre. C'était comme des yeux de mort qu'on aurait oublié de fermer. Quand on coiffait l'enfant, qu'on nattait ses cheveux déjà longs avant cela, les fils d'or restaient dans les dents du peigne, dans la brosse. Il semblait qu'on eût fait une douloureuse moisson de rayons de soleil. Maintenant, Paulette n'avait plus qu'un peu de mousse autour du crâne, une tête de garçonnet. Personne, dans ce pauvre petit corps, en ce visage ravagé, n'eût reconnu cette fleur de fillette, cette oiselle rieuse et jolie, cet ange qu'était Paulette autrefois. « Oh ! S'écriaient les commères apitoyées. Mais la pauvrette n'est plus une enfant, c'est un chiffon d'enfant. » Mot terrible, mot qui dit bien la chose, qui rend exactement ce qu'il veut exprimer. Un chiffon, un rien, un chiffon. Et le nom resta à la pauvrette. « Comment va la petite chiffon ? » demandait-on, d'ailleurs affectueusement, « cette pauvre chiffon. » Si bien que pour la belle bourbonnaise, peu à peu, Paulette disparut et qu'il n'eut plus que chiffon. Paulette elle-même, amusée un peu, trouvant dans son lit de malade ce mot gentil, se désignait aussi par cette appellation. « À boire, à chiffon, disait-elle. Chiffon veut boire. » La belle bourbonnaise n'était pas fâchée de voir le nom de Paulette, que d'ailleurs elle ne donna pas, que peu de personnes entendirent, remplacé par le sobriquet significatif « chiffon ». Elle, la belle bourbonnaise, épouse de l'illustre Perpignan, dit bouche en cœur, se donna au commère, aux fournisseurs du quartier, à la concierge, comme Madame Dubois, Madame Veuve Dubois. Elle réédita à plaisir la version première adoptée par elle pour satisfaire à toute curiosité. Elle était allée en province prendre l'enfant de sa fille, mais elle brodait cette simple aventure et y ajoutait une suite mystérieuse, sentimentale, la saupoudrait légèrement d'amour. Le tout était bien dans le goût, les tendances romanesques de toutes ces braves personnes, qui s'apitoyait non seulement sur la petite chiffon, mais aussi sur cette bonne Madame Dubois. Madame Dubois se prétendait veuve d'un professeur de musique ayant eu une réputation à l'étranger. Elle avait une fille très jolie naturellement. Cette fille, au lieu de suivre les bons conseils de sa mère, avait écouté de préférence les mauvaises promesses d'un officier, un noble, un comte, très riche. Très bon garçon, c'est vrai, mais qui, comme tant d'autres, ne devait pas tenir plus tard ses engagements. Cette déclaration, chaque fois, était accueillie par un soupir général des auditrices complaisantes et sincères. « Hélas, comme vous dites vrai, ma bonne Mame Dubois !» Il semblait vraiment que chaque commère eût dans son souvenir un officier noble, un comte tout au moins, riche, qui n'avait pas tenu ses engagements. La belle bourbonnaise, sûre de son auditoire alors, à demi-mot, finissait son récit. « Vous comprenez alors, la suite, l'enfant est venu, on l'a mise en nourrice chez des paysans. Le père lui a changé de garnison. C'est toujours comme ça. Il a abandonné la mère de son enfant. De chagrin, ma fille à qui, en voyant sa douleur, j'avais pardonné. De chagrin, ma fille est morte. Alors je suis allé prendre chiffon. Voilà. C'est le changement de vie. Vous comprenez, Passer du plein air de l'existence des champs à la vie de Paris, ça démolit les grandes personnes, à plus forte raison les enfants, bien entendu. Et voilà pourquoi ma petite est malade. Voilà pourquoi je ne sais pas si nous la sauverons. Les bonnes commères qui à ce récit sentaient les larmes pendre à leur œil s'exclamaient. Mais oui, Mame Dubois, mais oui, on la sauvera, votre chiffon. La belle bourbonnaise levait les yeux au ciel, poussait un soupir, puis redescendant sur terre disait. Dieu nous entende. En cet espoir, prenons, pour nous donner du courage, un peu de cordial, de calorique. Oui, cordial et calorique, les commères et la belle bourbonnaise pouvaient en prendre beaucoup. Ce n'est pas ça qui devait sauver la pauvre petite Paulette.